Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Strass, Paillettes et douleurs, Dalida. C'est la chanteuse française qui a vendu le plus de disques dans l'histoire de la chanson française. Son timbre de voix si particulier et son accent chaleureux ont laissé l'empreinte particulière elle aussi, en tout cas unique. Dalida, c'est une voix, un visage anguleux aux yeux de biche, une chevelure impressionnante, une longue silhouette, des tenues de scène flamboyantes, une vraie présence. C'est surtout une liste de succès sans précédent, des tubes en série, une vie exposée à la lumière des projecteurs et des flashs, des paparazzi. Et Dalida, c'est aussi une existence faite de drames, d'amours cruels qui la laisseront souvent seule, très seule, après la scène. Cette femme, si touchante, est un centre de gravité à elle toute seule. Gravité dans la voix, dans le regard, dans le propos de ses chansons, dans sa vie, oui, grave. Notre invité aujourd'hui, Fabien Lecoeur, spécialiste de la chanson française et auteur du livre intitulé « Chez Dalida, le temps d'aimer ». Vous entendrez également un reportage d'Anaël Verzo qui est allé à la rencontre des fans de Dalida autour de la tombe de la chanteuse au cimetière Montmartre, à Paris. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bisiot. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Printemps 1956, rue Jean Mermoz, 8e arrondissement de Paris. Dans un petit deux pièces, une jeune femme fait les 100 pas. Elle s'appelle Yolanda Gigliotti. Égyptienne, d'origine italienne, elle est venue tenter sa chance à Paris, des rêves pleins à la tête et une volonté farouche, devenir une grande vedette, une actrice. Mais pour l'heure, ni son talent, ni son titre de Miss Égypte ne parviennent à convaincre les directeurs de casting. À Paris, la concurrence est rude, les jeunes actrices sont des centaines, voire des milliers à rêver de gloire. La jeune femme vit en location avec Gilda, une copine qu'elle a rencontrée en courant les castings. Comme elle, Gilda se rêve comédienne. Les deux jeunes femmes se sont nouées d'amitié pour leur voisin de palier, aspirant acteur, lui aussi un certain Alain Delon. Depuis leur rencontre, les trois amis sont inséparables et s'entraident à supporter la cruauté des auditions. Alors, ce jour-là, constatant le triste vide de leur cuisine, ils unissent leurs forces. Tous font les fonds de leur poche et avec les quelques pièces qu'ils parviennent à récolter, Alain Delon part en quête d'un dîner. Il revient quelques dizaines de minutes plus tard avec son butin, un misérable œuf dur pour trois. Leur situation est inquiétante et l'espoir toujours plus lointain. Yolanda commence même à envisager de tout plaquer pour redevenir secrétaire. Et il faut absolument que la chance leur sourie, sinon ce sera tout ça pour rien. Eh bien non, pas pour rien. Quelques jours après, Yolanda en effet est acceptée pour auditionner dans un cabaret parisien, la Villa d'Este, sur les conseils de son ami Roland Berger, professeur de chant. Après tout, elle a une jolie voix, de la présence et n'a pas peur des projecteurs. Au même moment, Alain Delon obtient une avance pour un rôle. Fidèle à son amitié, il utilise son argent pour offrir une robe à Yolanda, histoire qu'elle mette toutes les chances de son côté. Paoli, le patron du cabaret, est séduit. C'est la mode des chanteuses méditerranéennes. Et Dalida, avec son accent et ses cheveux noirs, est tout à fait dans l'air du temps. Il décide donc de la programmer tous les soirs pour un cachet de 1500 francs anciens par jour. Enfin, la galère prend fin. Un soir, alors qu'elle chante à la Villa d'Este, un certain Bruno Cocatrix est dans la salle. Conquis, il note son nom sur son calepin. Il vient de fonder dans un ancien cinéma son propre musical, l'Olympia, dont de tout Paris commence à parler. Et, bien sûr, il cherche des artistes. Dalida sent qu'elle peut saisir sa chance. Elle décide alors de participer au Radio Crochet d'Europe 1, les numéros 1 de demain. Et laisser sur un coup de dé, comme souvent dans les belles histoires, que se scelle son destin ce jour-là, comme elle le racontera quelques années plus tard. Je crois que tu as commencé dans un concours comme un peu comme le jeu de la chance. Oui, exactement comme ça. À l'époque, il y avait des auditions pour des jeunes. Ça se passait à l'Olympia. Et puis, il faut dire que ma carrière, elle s'est jouée un peu au 421. Ces jours-là, il y avait deux messieurs qui ont eu beaucoup d'importance dans ma vie, dans ma carrière. Et un s'appelle Eddie Barclay et l'autre, monsieur Lucien Maurice. Ils devaient être tous les deux aujourd'hui ici. Mais comme l'un fait partie d'une maison de disques et l'autre le directeur artistique d'Europe numéro 1, ils ne peuvent pas, il paraît, venir à la télévision. J'en suis désolée. Et sinon, on aurait joué au 421 pour de bon. Et ces personnes, elles étaient à côté de l'Olympia. L'une voulait aller au cinéma et l'autre, Lucien Maurice, voulait aller à l'Olympia écouter les nouveaux talents. Ils ont joué au 421. C'est Lucien qui a gagné. Alors, depuis... ils sont venus m'entendre à l'Olympia. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Et voilà. Lucien Maurice et Eddie Barclay deviennent ses anges gardiens. Eddie, le premier, qui n'est pas encore à la tête d'un empire musical, lance son label. Le second, lui, est directeur des programmes d'Europe numéro 1, comme on disait à l'époque. Eddie est persuadé qu'avec son compère, il vient de rencontrer une vedette. Oui, elle correspond exactement à ce dont il a besoin pour son nouveau label. Belle, ça rime, talenteuse et encore inconnue du grand public. Il invite Dalida à enregistrer un titre dans ses studios et c'est là que Lucien Maurice tombe sous le charme. Cette femme possède un vrai talent naturel, une présence éclatante, un timbre de voix unique. Sort alors son premier single, Madonna. Mais le succès est mitigé, la chanson est banale. Alors maintenant, il faut donner à Dalida une matière neuve, une chanson unique, sur mesure. Cette chanson s'appelle Bambino. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, bambino, bambino. Tu as l'air d'un chérubin, bambino, bambino. Va plutôt jouer au ballon, bambino, bambino. Comme font tous les gamins. En entendant la chanson, Lucien Maurice sait immédiatement qu'il a visé juste. Un titre espiègle, sensible, dynamique. Il décide alors de tenter une nouvelle stratégie de matraquage radiophonique et passe le disque toutes les heures. Il faut que Bambino soit sur toutes les lèvres, dans toutes les oreilles, au risque de provoquer un petit sentiment d'oppression, comme en témoigne ce sketch de l'ORTF. Allez chérie, on me le pose, sois gentil. Bon, alors écoute, un simple petit essai. Oui. Hein, je vais regarder jamais. Parce quelle, que si toi, tu m'as donné ton menu, moi aussi j'ai amené le menu. Alors c'est, le menu, c'est le programme. Alors attends, on prend. Si tu veux. Allez, une chaîne au hasard. Hein. Bah, la chaîne numéro 1, non? Bah, était par exemple pour commencer. Alors attention, on essaie. Oui. La minute est émouvante, avec hein. Le champagne. Attention, ça claque en même temps que champagne. La première chaîne. Hop là, Dalida. Je regarde une autre chaîne. Alors, on change du tout au tout, hein. On prend. On regarde ce qui se passe ailleurs. Alors, la chaîne 2. N'importe laquelle, la chaîne 2. Attention. Et hâte, hâte sur ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus. Ça, alors, ça, c'est une coïncidence, ça. Non, mais on balerie pas, quoi, ça. À la radio, ça arrive aussi. Attends, allez, je prends étranger, l'Eurovision, tiens, la troisième chaîne. J'essaie, attends, l'Eurovision, là, il n'y a aucune chance. Attention, on y va, on regarde. Allez, l'Eurovision, l'Eurovision, l'Italie. Oh bah non, alors ça c'est pas fait, je t'assure que c'est pas fait exprès ça. En décembre 1956, deux ans presque jour pour jour après son arrivée à Paris, Dalida est devenue un phénomène. À seulement 24 ans, elle est propulsée en tête de tout le hit-parade. Bruno Coquatrix décide alors de lui offrir sa scène. Il lui propose de faire la première partie de Georges Guettari, un chanteur d'opérette, roi du trémolo pour ménagère qui rêve de voyage. Et voilà qu'il a prévu d'ajouter Bambino à son répertoire. Dalida est vexée. Enfin, Bambino, c'est elle, c'est sa chanson. C'est elle qui en a fait ce phénomène. Alors, elle refuse le contrat. Oui, elle refuse l'Olympia. Cette jeune débutante, qui n'a que quelques mois de carrière, s'offre donc le luxe de tourner le dos à l'un des hommes les plus puissants de Paris. Voilà qui fait jaser. Bien joué en tout cas, c'est la principale qualité de l'audace, impressionné. Et Bruno Coquetrix est impressionné d'ailleurs. Un mois plus tard, il la rappelle et lui propose une nouvelle première partie, celle du Grand Aznavour. Le succès est immédiat et le public en redemande. En septembre 1957, Dalida retourne à l'Olympia. À l'entrée de la salle, on frise l'émeute. Dalida n'est plus une débutante, elle est une vedette comme Gloria Lasso, Edith Piaf ou Jacques Brel. Des stars qu'elle commence à côtoyer dans les journaux et qu'elle devance dans les hit-parades. Le même mois, elle reçoit un disque d'or pour Bambino. C'est le premier de l'histoire de la chanson française. En 8 mois, elle en a vendu plus de 300 000 exemplaires. Le départ de sa carrière est donc fulgurant, un démarrage en trombe qui l'a inquiété, cela dit, comme elle l'avoue à Jacques Chancel en 1979 dans Radioscopie sur France Inter. J'ai eu énormément de chance parce que bon, j'ai passé une année comme ça, je peux pas dire que j'ai mangé tellement de vaches enragées, non. Non, ça a été très vite en ce qui me concerne, oui, tout a été très vite. Et à un point que j'avais peur parce que c'était tellement vite que moi je n'étais pas prête pour monter sur scène. Depuis plusieurs mois, c'est Edith Piaf qui fait la une des journaux en France. Mais sa vie chargée de drames, entre addiction à la morphine et accident de voiture, nourrit les colonnes de Paris Match et de France Soir. Alors, quand Dalida, avec son sourire généreux, sa jeunesse et son amour naissant pour le beau Lucien Maurice apparaissent, c'est comme une grande bouffée d'air à Paris. Car Lucien et Yolanda ont enfin admis leur amour réciproque. Depuis leur rencontre en 1956, ni l'un ni l'autre n'avait osé avouer son désir. L'une par timidité, persuadée qu'elle ne pourra jamais intéresser un homme aussi puissant, l'autre par manque de confiance et d'expérience. Il est plus facile de négocier un contrat que de déclarer sa flamme. Un soir, Lucien finit par prendre son courage à deux mains. Vers 1h du matin, après une longue journée de discussions, de promenades et de fêtes, il sonne à la porte de Dalida, un cahier de mots croisé à la main. On en fait un ? La drague cruciverbiste, c'est ça aussi l'audace. Enfin bon, Lucien l'embrasse, le reste ne regarde que. Mais couronné de succès et de baisers, Dalida fait une pierre deux coups, la carrière et l'amour. Dalida et Lucien forment un couple à la ville et au travail. En Pygmalion, Lucien prend soin de sa protégée, lui sert d'impresario, lui fait rencontrer du monde. C'est Évaline Bardot, version musical. À Paris, la vie se transforme vite en tourbillon. Les deux amoureux sortent beaucoup. C'est la loi du métier, ils sortent. Oui, mais ensemble, puis de plus en plus souvent séparément. Lucien la rassure. Nous avons toute la vie devant nous. Classique prélude à la séparation, ce genre de propos. Car ce n'est pas la vie dont rêvait Dalida, justement. Alors, elle se lance à corps perdu dans la musique, le travail et son salut. Elle écrit souvent à sa mère, qu'elle surnomme Pépina, et dont elle est très proche. C'est la Madone italienne par excellence qui mène sa famille avec amour et fermeté. Depuis plusieurs mois, leurs échanges sont teintés d'inquiétude. L'année précédente, alors que Dalida entame sa carrière à Paris, l'actualité entre sans frapper. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Voici à peine 2 ans, Nasser et le représentant de la Grande-Bretagne, en signant l'évacuation de Suez, avaient garanti le régime du canal jusqu'au terme du mandat fixé à 1968. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs ? Avec la crise du canal de Suez, les Occidentaux sont persona non grata dans le monde arabe. Dalida s'inquiète pour sa famille, il faut qu'elle la fasse venir à Paris. Sa mère, bien sûr, mais aussi ses deux frères, Bruno et Orlando, son succès pour les protéger. Bien sûr, mais encore faut-il le confirmer, ce succès. Le musical aime le renouveau et un tube n'est pas toujours une assurance vie pour une carrière. Mais Lucien Maurice a encore du flair. Il a trouvé le nouveau Bambino. L'Italie est à la mode, Venise fait rêver les amoureux. Alors, quand il entend Gondolier qui raconte l'histoire d'un homme simple aux pieds nus, héros populaire, dieu de la mer et du soleil, il saute sur l'occasion. Eh bien, voici Gondolier. Le succès faramineux partout en France. Les petites filles imitent Dalida, délaissent leurs soquettes pour des escarpins. Et puis c'est l'époque où les premières femmes libérées font leur apparition, de Brigitte Bardot à Juliette Gréco. Dalida en fait partie. Sa féminité explose aux yeux du public. On la surnomme l'orchidée noire, comme ses cheveux et son rimmel. Et puis la chanson fait oublier les tourments de la politique. Depuis 1954, la France s'embourbe dans la guerre d'Algérie. Dalida s'identifie au pied noir, dont le destin ressemble en tout point à celui des Européens d'Égypte. Alors, quand on lui propose en 1958 d'aller chanter pour le contingent à Alger, elle accepte. Ce climat anxiogène de la guerre se retrouve dans ses nouveaux titres. C'est une nouvelle facette de Dalida qui s'offre alors au public, profonde, émotive, mélancolique. Une mélancolie qu'elle doit aussi à sa relation avec Lucien, qui s'étiole progressivement. Le spectacle, les happes, il se voit si peu. Et surtout, le mariage qu'elle espère tant ne semble jamais venir. Il faut dire que Lucien est déjà marié et qu'il hésite à divorcer pour Dalida. Il l'avouera un jour aux journaux, il a peur, car dit-il, on n'épouse pas une vedette. Ils finissent quand même par se marier en avril 1961, 5 ans après leur rencontre, mais 5 années trop longues. Dalida s'est lassée d'attendre son Lucien et s'est laissée happer par un autre amour, un jeune peintre, Jean Sobieski. Quelques mois seulement après leur mariage, Lucien et Dalida se séparent. Dans la profession, la rupture est perçue comme un affront. Enfin, comment Dalida a-t-elle pu quitter l'homme auquel elle doit tout ? Le féminisme n'est pas encore une valeur sûre et cette indépendance de femme passe mal. Alors, quand la même année, elle annonce un nouveau récital à l'Olympia, le petit monde de la musique est bien décidé à lui mettre les bâtons dans les roues. Oui, comme elle le raconte, 10 ans plus tard, dans l'émission L'invité du dimanche, sur le RTF. À l'Olympia, donc, il y avait dans le métier tout le monde qui disait « On va assister à la mort du petit taureau, on va pas la faire chanter, Dalida sans Lucien n'est rien ». Et tous les jours, tous les matins, je recevais un coup de téléphone à 8h du matin qui me disait « on ne vous fera pas chanter à l'Olympia ». Et le jour de la première, il y avait toutes les radios qui étaient là et qui demandaient au public qui rentrait, il est conditionné presque. Parce que du moment qu'on pose une question à quelqu'un, même si ce quelqu'un ne le pensait pas avant, il le pense. Il posait cette question « est-ce que vous êtes pour ou contre Dalida ?» Donc ça conditionnait déjà la salle. Et avant que je rentre sur scène, j'ai reçu une couronne de mort, mortuaire, qui avait écrit dessus à la chanson de Fendt, Vive Edith Piaf. Et voilà comment je suis rentrée sur la scène de l'Olympia. 6 décembre 1961, Olympia. Dans la foule, le public est agité. Spectateurs anonymes et critiques musicaux sont venus en nombre, un peu vautours. Car depuis sa rupture avec Lucien Maurice, Dalida a perdu la sympathie de tous. Ses tentatives pour contre-attaquer ont échoué. Les chansons qu'elle a choisies n'ont pas convaincu. Et surtout, le monde a changé. Les chanteuses avec un accent n'ont plus la cote. L'exotisme est passé du côté des yéyés. Sylvie Vartan, par exemple, est partout. Johnny Hallyday est bientôt l'idole des jeunes. À l'Olympia, Dalida est attendue au tournant. Dans les loges, le trac est au plus haut. Derrière le rideau, la chanteuse se tient droite dans sa robe mauve signée Balmain. Allez, un signe de croix, et la voilà sur scène pour ce show de tous les dangers. La première chanson est 24 000 baisers, un twist qui ne met pas sa voix à l'honneur. Malgré ses pas de danse, les applaudissements restent polis, presque hostiles. Dalida doute, mais en grande pro, elle enchaîne deux autres titres similaires. Mais le public n'y croit toujours pas. D'ailleurs, au fond de la salle, quelqu'un tousse, blasphème. Mais Dalida, toujours pro, ne se laisse pas abattre. On ne fait jamais marche arrière chez les Gigliotti. La quatrième chanson est « Je me sens vivre », un hymne à l'amour que Lucien avait rapporté d'Italie. Cette fois, la voix de la chanteuse s'exprime avec toute son ampleur, portée par le texte qui résonne si bien avec sa vie. Mon épaule est formée pour le creux de tes bras et mon corps tout entier pour dormir avec toi. Dalida chante avec ses tripes, c'est sa vie entière qu'elle met en jeu. Après les dernières notes, le public choqué reste sans voix, envoûté par celle de l'artiste. Alors c'est un tonnerre d'applaudissements, la salle se lève et beau joueur, Lucien qui est présent, applaudit lui aussi. Le reste du spectacle fait l'unanimité, y compris pour les titres les plus légers. Dans le journal Le Monde, Claude Sarraute écrit « Nous nous attendions à une mise à mort, nous avons assisté à un baptême. » Je ne savais pas pourquoi je vivais. Je ne savais pas à quoi je servais. Maintenant, maintenant, je le sais. Mes yeux ne sont faits que pour te regarder, mes lèvres ne servent qu'à t'offrir mes baisers. Mon oreille a compté les battements de ton cœur et mes mains à saisir et garder ta chaleur. Et depuis lors, je me sens vivre. Fait que pour voir ton rêver, mes lèvres ne servent qu'à bercer ton sommeil. Mon épaule est formée pour le creux de tes bras et mon corps tout entier pour dormir avec toi. Et depuis lors, je me sens vivre. En 1967, San Remo, Italie. Cette année, le festival dans cette ville est en fête. Les amateurs de chansons ont l'honneur d'accueillir l'une des plus grandes vedettes du moment, Dalida. Depuis son Olympia en 1961, la chanteuse n'a pas cessé de cumuler les succès, les récompenses et les tournées. Elle vend des millions de disques, elle est devenue star internationale. Alors, ses producteurs italiens, RCA, ont pensé à elle pour soutenir l'un de leurs nouveaux protégés, Luigi Tenco. Le jeune homme écrit des chansons folk engagées aux textes profonds et mélancoliques. Chez RCA, on est certain que c'est l'avenir de la musique italienne. Car le public s'est lassé des chansons légères et veut maintenant des textes sensibles, portés par des auteurs-compositeurs. « Dalida, elle n'aime pas ce festival, ce grand concours de la chanson où les artistes se risquent à l'impitoyable jugement des jurés. Mais cette année, on lui propose de venir en tant que marraine. Et quand elle rencontre Luigi Tenco, elle est subjuguée par le regard sombre et profond du chanteur. Et puis sa chanson « Ciao amore, ciao » est si belle, si juste qu'elle accepte de se prêter au jeu. Cette année à Sanremo, chaque artiste italien chantera sa chanson qui sera interprétée à son tour par son parrain international ou sa marraine internationale. Pour Dalida Luigi, l'expérience est particulièrement émouvante. Depuis leur rencontre, ils ne se sont pas quittés. On appelle ça un coup de foudre. Ils vivent une idylle adolescente, mangent des glaces à Rome, jettent des pièces dans la fontaine de Trevi au cœur de la capitale italienne, joyau de l'Europe, capitale du rêve. Depuis quelques mois, c'est son frère Orlando qui s'occupe de sa carrière et c'est leur cousine Rosie qui gère le quotidien. Tous deux voient cette relation d'un œil tendre, heureux de voir leur petite Dali revivre l'amour. Sur la belle scène du Festival de Sanremo, ce sont deux amoureux donc qui vont se produire. Mais dans les coulisses, les mots tendres de Dalida ne parviennent pas à calmer Luigi. Non, le trac est trop grand. Et puis, l'Italien est tiraillé entre l'opportunité de devenir un musicien reconnu et un renoncement aux valeurs qu'il porte depuis toujours. Alors, pour lutter contre son stress, il prend des calmants et boit de l'alcool. Et puis, une fois ivre, il se décide à monter sur scène pour chanter « Ciao amore, ciao ». Bon, pas très convaincant, applaudissements mitigés. Puis c'est au tour de Dalida de monter sur scène. Elle aime la chanson de son amour et c'est pour lui qu'elle va la chanter ce soir-là avec tout son cœur. Tonnerre d'applaudissements. C'est bon signe, se dit-elle. Mais à l'heure des résultats, on n'entend pas le nom de Luigi. La déception est terrible. Dalida a beau essayer de le consoler, de lui rappeler que les grandes carrières sont parsemées d'échecs. Non, il ne veut rien entendre et surtout pas les exclamations de joie des vainqueurs au gala de fin de festival. Il rentre à l'hôtel. Dalida, elle n'ose pas éviter les mondanités. Et puis, elle a envie de s'amuser un peu, alors elle se rend au gala. Mais à un moment de la soirée, elle est frappée par un mauvais pressentiment et elle quitte la salle en urgence. Chez lui, Luigi est allongé sur le lit, comme endormi. Alors, elle s'approche de lui pour l'embrasser, lui caresser le visage. Mais en retirant sa main, elle est couverte de sang. Luigi s'est tiré une balle dans le crâne. Sur la table de chevet, il a laissé un mot. « J'ai aimé le public italien et je lui ai consacré 5 ans de ma vie. Je fais cela non pas parce que je suis fatigué de la vie, tout au contraire, mais pour protester contre un public qui envoie en finale « Io, tu es la rosa ». Ce petit mot énigmatique, elle le plie en 4 et le range dans sa poche comme une relique qu'elle gardera toujours. Un mois plus tard, elle décide de le rejoindre. Dans une chambre du palace Prince de Galles, elle avale une poignée de barbiturique avec un grand verre d'eau et s'endort. Une femme de chambre la retrouve 24 heures plus tard et la tire d'affaire. Oh, de justesse! Dalida expliquera son geste quelques années plus tard à la télé dans l'émission À bout portant. Vous me dites comme ça d'une façon absolument légère et anodine. Oui, quand j'ai voulu mérir, comme on dirait, oui, quand j'ai voulu acheter des cigarettes au bureau de tabac, c'est quand même important que quelqu'un veuille mourir. Pour vous, vous m'en parlez avec une sorte de détachement, comme si vous n'aviez peur d'en parler vraiment profondément. Non, absolument pas. C'est le contraire. Parce que si j'en parle, c'est-à-dire que je suis libre de cela. Sinon, j'en parlerai pas comme ça. Pourquoi cette légèreté? C'est comme si c'était une incidente. Non, une proposition entre virgules. Non, au contraire, je dis que cela a été très enrichissant pour moi. Mais si je restais, parce que finalement, se suicider, c'est une maladie. Ne croyez pas ni que c'est un acte héroïque ni de courage, oui. C'est un courage aussi de mourir, mais enfin, c'est une sorte de courage. Mais pour moi, c'est surtout. Surtout, c'est une maladie, le suicide. Alors, si je n'avais pas analysé ça et essayé de savoir le pourquoi je l'avais fait, je ne serais pas aujourd'hui, j'aurais commencé de nouveau. Donc, comment, comment avez-vous contracté cette maladie de suicide? Mais vous savez, très banale qu'on vous a déjà posée, pourquoi avez-vous voulu mourir? Ben, oui, je le sais pourquoi j'ai voulu mourir, parce que j'ai voulu mourir parce que j'aimais quelqu'un qui s'était suicidé et j'avais envie, j'étais tellement désespérée qu'il fallait absolument que j'aille le retrouver. Après cet événement, c'est une nouvelle Dalida qui renaît. Face à l'immensité du vertige de la mort, elle renoue avec la foi qui la portait depuis son enfance. Puis elle se met à lire. En autodidacte, elle s'intéresse à la philosophie, la littérature, la psychanalyse. Elle avale des milliers de pages pour essayer de résoudre les mystères qui la tourmentent. Elle s'intéresse aussi aux philosophies orientales, part en voyage en Inde se recueillir dans un ashram. Cette quête, elle la poursuit avec son nouvel amour, Arnaud Desjardins, grand voyageur et spécialiste du bouddhisme. Elle entame également une psychanalyse. Dalida semble s'apaiser, mais la respiration sera de courte durée. En septembre 1970, un coup de fil matinal lui apporte une terrible nouvelle. Je vous le disais, dès ce matin, et nous apprenions la nouvelle aux environs de 10 heures, Lucien Maurice, un homme de radio, le directeur des programmes d'Europe numéro 1, est mort volontairement. Il s'est tiré cette nuit une balle dans la tête. Cette intention de suicide, il l'avait manifestée à ses amis, à ses proches, au cours de ces derniers jours. Et pourtant, nous l'avions vu jusqu'à hier soir dans tous les lieux où il devait être, à Paris, car telles étaient ses fonctions. Encore une fois, la mort la poursuit. Son premier grand amour, Lucien Maurice, devenu son meilleur ami, vient de la quitter. Dalida retrouve ses démons. Un an plus tard, c'est sa mère, Pépina, qui meurt d'une embolie à l'âge de 67 ans. Cette nouvelle perte est un cataclysme. Mais Dalida sait qu'elle surmontera la douleur. Elle la connaît si bien. Peu à peu, elle se désintéresse de son ancien répertoire. De toute façon, elle ne saurait plus le chanter avec la même légèreté. La Dalida de Bambino est bien loin. Elle veut maintenant des textes profonds, graves, poétiques. Elle choisit alors une chanson de Léo Ferré, l'une des plus connues avec le temps. Avec le temps, avec le temps va. Tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. La métamorphose est spectaculaire. En 1971, Dalida, désormais à son compte, loue l'Olympia pendant 3 semaines. Bruno Coquatrix a pris peur en voyant ce nouveau répertoire tellement mélancolique. Alors, Dali a pris les choses en main. Sur scène, elle porte des tenues plus claires, comme pour compenser la gravité des textes qu'elle chante. Dans la presse, les commentaires sont à la fois surpris et impressionnés. Pour l'Aurore, elle est une Phèdre moderne. Pour les lettres françaises, elle s'élève au rang d'institution. Certains la comparent à la Callas, d'autres encore en font une figure divine. Encore une fois, Dalida, n'écoutant que son propre sens artistique, convainc et continue d'enchaîner les succès. Viennent Gigi Lamoroso, chanson opéra de 7 minutes, Paroles et paroles, en duo avec Alain Delon, son vieil ami. La Dalida Madone a trouvé sa place dans le cœur du public. Au même moment, elle rencontre un homme, Richard Chanfray, qui se fait appeler le comte de Saint-Germain. Un peu barré, il s'est inventé un personnage d'alchimiste immortel, ami de Louis XV, né du mariage du ciel et d'une soucoupe volante. Il vit de spectacles, de magie, et cultive son image de dandy illuminé. Cette nouvelle relation fait du bien à Dalida. Pour la première fois, elle connaît les joies d'un couple équilibré, simple, où l'amour est réciproque. Richard la respecte, partage avec elle son amour de la culture et nourrit son besoin d'apprendre, sa soif d'autodidacte. Chacune des relations de Dalida est une nouvelle source d'apprentissage. La vie nourrit son art, comme elle l'explique en 1973 dans l'émission À bout portant sur le RTF. Mais vous savez, j'ai eu des hommes dans ma vie. Je sais. Mais je dois dire même que tous les hommes que j'ai eus, ils m'ont beaucoup apporté. Ils étaient tous différents les uns des autres. Et comme quand j'aime quelqu'un, je trouve que la moindre des choses, c'est de le respecter, de le connaître, de le comprendre. Alors je m'intéressais à ce qu'il faisait et j'enrichissais mon bagage. Cette histoire n'est pas simple, mais Dalida s'accroche. Cette relation lui apporte ce qui lui a toujours manqué, la confiance que l'on trouve dans le regard de l'autre. Cette confiance, elle peut alors la transposer sur scène, où elle ne doute plus, ne fait plus de concessions pour satisfaire les critiques. Et elle dit « Voilà, je suis comme ça. Quoi que vous en pensiez, je suis mon désir. » À la fin des années 70, une nouvelle révolution musicale s'opère, le disco. Boule à facettes, arrangements entraînants, dansant. Dalida, qui a toujours accepté les nouvelles modes, comme autant de nouveaux costumes à enfiler, autant d'expériences, s'engouffre dans la brèche et remasterise ses anciens morceaux. Elle en parle au micro de Jacques Chancel sur France Inter, en 1979. Non, le disco dans une boîte de nuit, dans un bal de campagne pour danser, oui. Bien sûr. Mais disons que le disco m'habillait bien. Et alors à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas, je prends mes anciens succès. D'ailleurs, comme j'étais la première à avoir pris un ancien succès, que c'était J'attendrai, et je l'avais mis en disco, et que ça avait marché, que c'était devenu numéro un. Et Bambino est en disco aussi? Eh bien, c'est-à-dire, oui, mais vous savez, il y a 60 chansons dans cette même chanson, ce qui fait qu'il y a simplement deux phrases de chaque chanson. Mais parallèlement, son histoire d'amour s'étiole. L'étincelle des débuts a disparu encore une fois. Et le couple se sépare en 1981. 2 ans plus tard, comme pour confirmer la malédiction qui s'est abattue sur Dalida, Richard Chanfray se suicide. Encore un drame pour la chanteuse qui cette fois ne s'en remettra pas trop, c'est trop. Sa musique prend une nouvelle tournure, toujours mutante, toujours plus tragique. Dalida chante alors « Mourir sur scène ». Et la chanson est encore un succès. Au milieu des années 80, elle est la chanteuse française qui vend le plus. On lui décerne même un disque de diamant, récompense inventée pour elle. En 1986, elle renoue avec sa passion pour le cinéma et joue dans le film de Youssef Chahine, « Le sixième jour ». C'est un succès critique, mais le public ne suit pas. Et puis, le rôle qu'elle interprète, celui d'une grand-mère, la bouleverse, elle, qui n'a pas eu d'enfant. Alors, le démon de la dépression l'envahit à nouveau. Et le succès, qui lui paraît dérisoire après plus de 30 ans de carrière, ne peut plus la consoler. L'amour de ses proches non plus. Dalida nous a fait ses adieux. Dalida qui est morte chez elle hier après avoir absorbé une forte dose de barbiturique. De son vrai nom, Yolande Giglioli, elle avait 54 ans et fêtait cette année ses 30 ans de métier. Sa dernière joie aura été de tourner en Égypte, où elle était née, le film Le sixième jour. Mais sa vie aura été partagée entre la célébrité et le drame. D'un côté, des millions de micro-sillons, des milliers de galas. De l'autre, la mort de son ex-mari, Lucien Maurice, en 70. 3 ans auparavant, celle de son ami, le jeune chanteur Luigi Tenco. C'est le 3 mai 1987 que Dalida commet l'irréparable. Dalida, une vie, une œuvre et tant de blessures, jusqu'à la blessure mortelle. Dans sa main, un verre de whisky vide est resté figé. Sur la table de nuit, elle a laissé ce mot. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Ma complainte, c'est la plainte de cœur. Mon comme étant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse plein de force et de tendresse vers le jour qui va venir. C'est histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. À l'éclair où l'on s'en lasse, c'est nous l'on se dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec l'air où l'on s'en lasse, c'est nous l'on se dit adieu. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Dalida, notre invité Fabien Lecoeuvre, bonjour. Bonjour. Spécialiste de la chanson française, et ce n'est pas un vain mot, hein. Vous avez écrit 57 livres sur la chanson française, dont le dictionnaire « Mille et une histoires secrètes de la chanson » aux éditions du Rocher. Vous co-présentez aussi l'émission « Les années bonheur » avec Patrick Sébastien sur France 2. Et vous avez co-écrit avec Philippe Lorrain le livre intitulé « Chez Dalida, le temps d'aimer », qui est une biographie de la chanteuse parue aux éditions du Rocher. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce personnage? Alors, c'est vrai que vous êtes un spécialiste et qu'elle était évidemment incontournable, mais plus encore. Au-delà, j'ai eu la chance de la rencontrer, et pas qu'une fois, puisque je démarrais ma jeune carrière d'attaché de presse à la fin des années 70. Et puis, je l'ai souvent croisée sur le plateau de télévision, je l'ai même interviewée pour des magazines. Je l'ai ramenée un jour chez elle, de la maison de la radio d'ailleurs, où elle terminait l'émission midi première. Je l'ai ramenée jusqu'à la rue Le Pic où elle habitait. Elle m'avait fait une salade à l'italienne, elle m'avait fait comme ça, elle m'avait parlé. Je savais que... C'est pour ça, le jour où j'ai appris sa disparition, j'ai pas été surpris plus que ça, parce qu'ayant échangé avec elle comme ça pendant 2 heures, je savais que finalement, elle était comme ces clowns qui montent sur scène et qui ont finalement les yeux tristes. Elle aurait pu s'appeler Dolores, douleur. Oui, mais en même temps, c'était une femme joyeuse. C'est tout le paradoxe et la complexité de tous ces grands artistes, d'ailleurs. Mmh. C'est-à-dire que dès que les lumières s'allument, on les reconnaît plus. C'est-à-dire qu'ils sont pris par le feu, la danse et la musique. Et puis, dès qu'ils rentrent chez eux, il y a cette forme de solitude terrible dont elle était, elle aussi, victime, finalement, comme des centaines d'artistes. Et c'est ce qui m'a finalement poussé à écrire sa vie. Et puis j'ai voulu m'opposer à tous ces gens qui en font une espèce de martyr presque aujourd'hui, comme une femme dont le destin a probablement été brisé. Alors je m'oppose souvent à ça. C'est un peu ce qu'on a fait, hein, quand même là. Oui, mais en même temps, moi qui ai eu la chance en tout cas de la connaître, c'était une personne joyeuse dans la vie. Oui, ça n'empêche très joyeuse. Ça elle aimait pas la vie, elle aimait les hommes, elle aimait l'amour. Mmh. Elle a eu tout dans la vie. Évidemment qu'on ne parle essentiellement que de ses malheurs. Mais en même temps, tout ce qu'elle a eu dans la vie, elle l'a choisi. C'est pas une fatalité que d'être Dalida. Quand on est Stéphanie de Monaco, on n'a pas choisi. On est princesse de Monaco, c'est une fatalité. Quand on devient Dalida, et je dis bien on devient, on a choisi cette destinée-là. C'est-à-dire qu'on veut les bravos, on veut monter sur scène. C'est pas une obligation dans la vie. Donc, elle a tout choisi. Donc, bien sûr qu'au milieu de ces grands bonheurs qu'elle a eus sur scène, Ben, il y a eu quelques petits malheurs, évidemment, comme chacun d'entre nous. C'est pas des petits malheurs, attendez, ce sont des grands malheurs. Oui. C'est la disparition de proches, d'amour, par le suicide. Vous vous rendez compte que ça peut dévaster quelqu'un. Oui, elle avait la fascination de la mort. Vous avez oublié d'ailleurs un garçon important dans son existence, c'est Mike Brandt. C'est vrai. Et oui, elle a eu une histoire secrète avec lui, qui est devenue aujourd'hui un secret de polichinelle. Elle a eu une très belle histoire d'amour avec lui, qui a duré quelques mois. Encore un qui a mis fin à ça. Qui a mis fin à ça. Et quand il avait fait une première tentative de suicide, Mike Brandt, ce qu'on ne sait pas, la première qui est arrivée au chevet à l'hôpital cantonal de Genève, c'est Dalida. Mmh. Ils avaient cette fascination de la mort. Mais ça, c'est encore une fois plus. Alors, c'est vrai qu'elle a eu 4-5 hommes dans sa vie qui ont mis fin à leur jour. C'est étonnant. Et en même temps, bon... Moi, quand je parle avec les artistes, ces grands, grands artistes, j'en ai croisé quelques-uns déjà dans ma carrière, il n'y a pas de comparaison au bonheur qu'on peut avoir quand on monte sur scène, quand on a les bravos du public et quand on a cette fidélité, en tout cas, et cette vie de luxe et d'amour dans laquelle elle était. Belle personne, alors physiquement c'est clair, mais on ne va pas insister là-dessus, belle personne intérieure, on sent qu'il y a cette humanité qui est en elle, et puis après cette souffrance de ne pas avoir eu d'enfant, cette façon de rapatrier sa famille, cette façon d'aimer les gens d'amour, ou d'amour sentimental ou social, est-ce qu'elle véhiculait cela quand on l'a rencontrée ? Complètement, c'est-à-dire que ce que vous expliquez est très juste, c'est-à-dire qu'elle a tellement souffert dans son enfance pour devenir belle, parce qu'elle est devenue belle, elle n'est pas née belle en tout cas. Décidément. Comme elle l'expliquait. Quelle volonté. C'est une volonté épouvantable. C'est-à-dire qu'il faut se battre à l'école. Vous savez que les enfants entre eux sont souvent très méchants. Bien sûr. Avec cette forme d'inconscience et de vérité qui sort souvent de la bouche des enfants. Donc elle avait ce strabisme dans le regard qui l'a beaucoup, beaucoup fait souffrir parce que les gens se moquaient d'elle. Et elle s'est battue pour devenir aussi belle que Rita Hayworth, qui était son idole quand elle était petite. Et voilà, donc elle adorait devenir un soleil quand elle montait sur scène, mais au départ, elle est pas née soleil. Et c'était, je crois, sa vraie, vraie douleur dans la vie. Elle la dissimulait bien à travers ses chansons, et puis finalement, elle avait cette beauté intérieure au-delà de tout. Elle est tellement forte, cette beauté intérieure, qu'elle se voit. Ça qui est fort. Oui, c'est-à-dire qu'elle aime en parler, elle s'entoure de gens très cultivés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est autodidacte. Ouais. Donc elle a pratiquement pas fait d'études, elle arrive et donc elle apprend, comme toutes ces femmes intelligentes, elle apprend au contact des autres. Et donc elle a besoin de ça dans l'existence, et c'est passionnant, c'est une leçon de vie, la vie de Dalida. Absolument. Je vous présente Anaëlle Verzeau, notre reporter. Mm-hmm. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Vous êtes allé voir des amoureux de Dalida devant sa tombe au cimetière Montmartre à Paris. Il y a un côté comme ça, c'est comme Jim Morrison hein, devant sa tombe. La tombe, si j'ose dire, est un moment de réunion et de joie finalement. Absolument, absolument. Et c'est une magnifique sépulture avec une sculpture taille réelle quasiment hein, de Dalida et un soleil derrière. Et tout autour, il y a des roses, une bougie, des stèles. Et des fans. Bonjour. Vous connaissez ? Oui. Bah oui. Oui. Est-ce que vous l'aimez ? Oui, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Elle était élégante. Elle est belle cette sculpture. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah ouais, très très belle. Ah oui, c'est magnifique. Toujours bien fleuri. On est venu spécialement pour voir ça et puis Berger aussi. Michel Berger, on cherche aussi. Dalida et Michel Berger. Voilà, et France Gall. Ouais. Mais c'est très beau. Hein, c'est très très beau. Elle devait être généreuse, elle devait être. Ouais. Mm-hmm. Bonjour, comment vous vous appelez ? Hugo. Hugo, vous avez quel âge ? J'ai 24 ans. 24 ans. J'aime tout ce qu'elle a été. Autant sa personnalité que ses chansons. Elle a su quand même rester forte pendant un moment, malgré qu'il y a un moment, c'est normal, je trouve qu'elle est craquée, quoi. Quelle est la chanson que vous préférez ? Il y a l'histoire d'un amour, Gigi Lamoroso. Il y en a une que vous voudriez nous chanter ? Wow, je suis sûre que vous chantez bien. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant. Mes nuits d'automne, j'ai mis de l'ordre dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire, Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. C'est beau. Ah, vous chantez bien. Merci. Et vous la connaissez bien. Ah oui, oui. J'avoue que j'en ai pas mal que j'ai apprise, tout ça. Donc, ouais. Hugo, est-ce que vous avez vu qu'il y a une boîte aux lettres derrière où vous pouvez laisser un mot pour Dalida? Ça, je ne savais pas. J'avais vu il y a quelques jours qu'en effet, ils avaient ça, un petit jardin, oui, avec notamment derrière. Des petits épitaphes. Mais la boîte aux lettres, non, je ne savais pas. Vous ne voulez pas laisser un mot? Avec plaisir, ouais. Oui. C'est indiscret si je regarde. Non, pas du tout. Hein. Dalida, à jamais. Dans nos cœurs. Voilà. Et vous avez conclu votre petit mot par « Je t'adore ». Voilà, exactement, ouais. Et voilà, dans l'enveloppe, dans la boîte aux lettres. Dans la boîte. Voilà. Bien, on retrouve Anaëlle et ses fans. Enfin, pas les fans d'Anaëlle, bien que les fans de Dalida. Alors, vous avez appelé Thierry Savona, cher Anaëlle. Alors, c'est un très grand amoureux de Dalida, à tel point qu'il a eu l'accord du frère de la chanteuse, Orlando, dont on a parlé dans le récit, pour devenir le président du fan club officiel de Dalida. Oui, allô? Thierry? Oui. À quel moment vous êtes devenu fan de Dalida? C'était 74 avec Gigi Lamoroso. Je me souviens parfaitement, j'étais très petit, je voyais cette femme qui cherchait Gigi, je me rappelle de cette phrase mythique, c'est toi là-bas dans le noir. Et chaque fois je voulais la voir, je voulais l'entendre, elle m'intriguait, ça me faisait peur et ça me plaisait en même temps. On se moquait de moi, oui, on se moquait de moi. J'avais un oncle qui me disait tout le temps, tu lui porteras ses bagages. Je le sentais comme un pic, mais dans ma tête je me disais, mais s'il faut, je supporterai même ses courses, ce qu'elle veut. Dalida, pour vous, c'était... C'était la femme de ma vie. C'était la femme idéale. C'était la femme que j'aurais eu envie. Je l'aurais épousée si elle me l'avait demandé. Tous mes premiers fantasmes, c'était elle. Enfin, c'est fou, c'est énorme de dire ça, mais j'étais complètement hypnotisé. Je me mettais devant la télévision. J'avais à l'époque un espèce d'appareil pour enregistrer. Je me le posais sur la télé, parce qu'on n'avait pas encore les magnétoscopes. Et j'enregistrais tout ce qu'elle pouvait dire, qu'elle pouvait chanter. Vous lui avez fait une déclaration d'amour. Oui, en 85. Je lui ai dit que j'étais fou d'elle, que je l'aimais. Elle vous a répondu ou pas, quand vous avez fait cette déclaration? Oui, elle m'a répondu. Elle m'avait dit, écoutez, quand je viendrai à Lyon, venez me voir. Et puis, elle est partie un an et demi après, quoi. J'ai pas eu cette chance. Et quand elle est morte, ça a dû être un drame pour vous? Ah oui, alors ça a été le ciel qui m'est tombé sur la tête, oui. Je suis parti tout de suite à Paris et je me souviens, le 7 mai, j'étais là pour l'enterrement. J'ai emmené ma mère, j'ai emmené... Je l'écoute tout le temps. Vous avez quel âge maintenant, Thierry? J'ai 47 ans. Et dans le fan club, vous avez beaucoup de jeunes? C'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, je me retrouve avec pratiquement 40% de jeunes pour moins de 25 ans. Je n'aurais jamais imaginé que c'était comme ça. Fabien Lecoeuvre, si on parlait de son art, sa façon de chanter, parce que c'est d'abord une chanteuse. Oui, c'est une œuvre musicale, Dalida, parce que c'est des chansons. C'est les chansons qui font les chanteurs et pas l'inverse. Et ce que les gens viennent chercher comme ça, souvent sur des pierres tombales, c'est une pensée, c'est un souvenir, c'est leur enfance, souvent, leur adolescence. Et c'est toujours très émouvant, et ce reportage en est un d'ailleurs. Et c'est une œuvre musicale, et en même temps, cette personne qui s'est battue, cette espèce d'idole comme ça, qui sont des modèles pour nos sociétés. Les gens ont besoin, dans leur souffrance personnelle, dans leur vie, d'avoir ces icônes, et ce sont des repères, c'est des phares dans la nuit, et la vie est difficile à vivre, hein. Et puis je dois dire aussi l'importance qu'a eu son frère Orlando, parce que souvent il y a des railleries, on se moquait déjà d'ailleurs du vivant de Dalida. Hein. Mais l'importance qu'il a eu quelque part, cet homme qui a donné sa vie pour sa sœur, quand on y pense aussi. C'est une vie par procuration, c'est fantastique. Il avait fait 17-45 tours, puis finalement après il a consacré sa vie à sa sœur. Et sans lui, je pense que Dalida n'aurait pas eu cette carrière, il faut quand même le rappeler aussi. Alors, c'est exceptionnel. Bien sûr. Quand on prend de l'âge, on s'aperçoit que finalement, vieillir, c'est l'art de renoncer à certaines choses pour les compenser par d'autres. Sûrement, ouais. Hein? Alors, il venait d'avoir 18 ans. C'est une merveille, cette chanson, parce que ça raconte ça. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Qui l'a composée, cette chanson-là? Alors, entre autres, Pascal Auria, bien sûr, on en parle souvent. Elle a été composée dans la rue des Saints-Pères, en sortant du cabaret Don Camillo. Ils ont eu l'idée, comme ça, d'un seul coup, de ce texte et cette musique. Pascal Auria, et puis bien sûr Pascal Sevran, entre autres. C'était pas pour Dalida au départ. C'était pour une chanteuse qui s'appelle Jacqueline Dano, grande chanteuse réaliste qui chante dans les cabarets à Paris. Et puis finalement, quand ils lui ont fait écouter, comme ça, juste, c'est pas pour toi, mais on te l'a fait écouter quand même. Il suffit de dire ça à un artiste pour qu'ils veulent absolument que cette chanson. Cela dit, on a envie de lui dire, quand à la fin, elle dit, il avait 18 ans, j'avais deux fois son âge, on a envie de lui dire, et alors? Mais c'est une époque. Mais voilà. Quelle élégance dans l'écriture. Oui, non, quelle élégance, mais. C'est exceptionnel. Ça, voilà, mais ça montre aussi une époque. 36 ans, 18 ans, c'est, ça se fait pas. C'est la première fois qu'une femme avouait en chanson qu'elle pouvait être cougar, comme on l'explique aujourd'hui, finalement, ça. Bien avant l'heure. Ouais. C'est pas Lincoln non plus, vous avez le temps de réfléchir. S'il fallait aujourd'hui trouver une héritière, alors proche ou lointaine, de Dalida dans nos chanteuses, alors aujourd'hui ou juste avant aujourd'hui, vers qui vous pencheriez-vous? J'irais voir peut-être Patricia Cass. Tiens donc. Parce que qui a un peu cette vie de douleur, une existence compliquée, sentimentale, moins spectaculaire, on va dire, que Dalida, mais quand avec moins de succès, quand même, moins de dimension. Moins de dimension, quoique l'international est très important pour Patricia Cass. Alors c'est plus le nord de l'Europe et la Russie, on va dire. Alors que Dalida, c'était davantage le Moyen-Orient. Mais je trouve qu'il y a quelques. Alors il y a moins de succès chez Patricia Cass, mais il y a quand même ce. D'accord. Ce parallèle, ouais, je pense. Patricia Cass, merci pour cette réponse. C'était pas facile comme question. Merci infiniment pour tout le reste. Fabien Lecoeuvre, au revoir. Merci, à très vite. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Dalida, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Et puisque nous sommes jeudi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Opinel, Gabriel Debray et Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Hélène Bizio. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian.